tes affaires et à quoi servent-ils? Les enfers sont dans la psychologie astrale de l'homme parce que les enfers sont dans la perception qu'a l'homme des choses extérieures. À quoi ils servent? Absolument à rien, mais étant donné que l'homme est pogné avec ça, ils ont une utilité, ils vont servir à démontrer à l'homme qu'ils servent à rien, donc ils vont servir à démontrer à l'homme comment faire pour que l'homme puisse s'en débarrasser. Maintenant, l'enfer est intimement relié au paradis, disons, si on parle d'enfer et de paradis. Autrement dit, le malheur est intimement relié au bonheur. Alors, étant donné que l'homme recherche le bonheur et fuit le malheur, ben, l'homme vit continuellement en enfer et de temps en temps au paradis. Alors, l'enfer va enseigner à l'homme à quitter ce phénomène psychologique-là, sauf que tant que l'homme va vouloir aussi accueillir le bonheur, ben, il va avoir peur de perdre son bonheur, donc en partant, il vit déjà une partie de l'enfer. Et l'homme, à un moment donné, ben, le bonheur, ou tout ce qui peut lui amener un bonheur psychologique, étant des choses qui sont palpables par ses sens physiques, donc automatiquement, qui sont assujettis ou qui sont sujets à disparaître, qui sont assujettis au changement, à la transformation, ben, le bonheur de l'homme, c'est un bonheur qui dépend de l'extérieur. Donc, un bonheur qui est assujetti aussi à la transformation, ce qui fait que, vous ne pas, après chaque bonheur, on a un malheur. Alors, l'enfer, il est placé où? Il est placé dans des vibrations qui sont basses, qui sont astrales. Alors, automatiquement, quand l'homme meurt, il y a une parcelle de toute son identité mémorielle astrale, comme on l'explique justement, on l'expliquait lors de la conférence de la réincarnation, qui vit dans un domaine vibratoire qui va être astral. Et plus l'individu a un phénomène astral dense, donc vibratoirement bas, plus l'individu vit en enfer. Alors, ce qui fait qu'une fois là-bas, par exemple, on expliquait, on donnait un exemple d'une personne qui était alcoolique au niveau de l'enfer. Alors, l'individu souffre sur la terre de manquer de boisson, donc évidemment l'enfer est sur la terre, mais où sur la terre, dans la conception que tu as toi-même, dans la perception que tu as de l'extérieur. Quand l'individu meurt, toute la mémoire astrale continue à vivre pendant un certain laps de temps tant qu'elle n'a pas été digérée par la planète Terre, donc réintégrée à la planète. Et l'individu, dans sa mémoire astrale, il y a aussi un individu qui va être mental, un individu qui va être vital, qui va être réintégré assez rapidement au niveau du vital planétaire. Notre individu, lui, va retourner en astral dans les endroits qu'il a côtoyés lors de son vécu. Alors, si c'était une personne qui était tout le temps dans une taverne ou dans un bar, ben, il va vouloir aller s'asseoir à la même place qu'il allait s'asseoir avant. Il va vouloir boire de la boisson, mais il ne pourra pas en boire dans l'astral. Alors, il va souffrir 20 fois, puis 100 fois plus que dans son physique, parce qu'il est là. Il peut rentrer dans un baril de vin, il peut voir le monde, il ne peut pas goûter à la boisson. Alors, c'est ce qu'on appelle l'enfer après la mort. L'individu va vivre une période d'enfer s'il a un astral trop dense. Lentement, cet astral-là finit par être réintégré par la planète. Donc, à un moment donné, ben, ces phénomènes astrales-là disparaissent. L'enfer éternel n'existe pas. Par contre, la phase purgatorielle, elle existe. Et dans cette phase purgatorielle-là, il y a l'enfer. Purgatoire, qui veut dire, en termes ésotériques ou en termes initiatiques, la phase de temps que prend la planète Terre à digérer l'astral d'un individu. Donc, à réintégrer sa psychologie mémorielle à la psychologie planétaire. Alors, l'enfer, ben, on l'explique pas mal au niveau de la réincarnation, mais l'enfer, c'est pas un endroit géographique, c'est un état psychologique. Maintenant, ces entités qui se tiennent dans les bars, qui se tiennent dans ces endroits-là de basse vibration, peuvent entrer dans un corps physique si les portes sont ouvertes afin de faire boire l'individu. Oui, mais l'individu va boire encore plus parce que l'astral, même s'il peut dominer, n'arrive pas à goûter. Donc, il boit plus. Bref, il va le manipuler. Il va justement le posséder. C'est très rare, très, très, très rare. On est plus possédé par des entités pluralitaires de réincarnation que par une entité, justement, qui est mémorielle. Mais ça peut arriver pareil. L'individu peut se faire manipuler carrément. Mais c'est réellement débilitant parce que l'astral qui va vouloir dominer n'arrive toujours pas à prendre possession du corps physique en termes de stimuli de sensation. Il n'arrive qu'à dominer un astral encore plus inférieur qu'à lui. Donc, l'astral de ta personne. Et puis... C'est ce qui se produit lorsque des gens s'assient au bar pour prendre une bière ou deux bières seulement, puis ont la ferme volonté de faire seulement une ou deux trois bières. Trois heures après, ben, sont et puis, il y a quelque chose qui les pousse toujours à prendre une autre bière, et puis un tas de facteurs environnants, ainsi de suite. Oui. L'énergie qui descend cause la perte de mémoire. Est-ce qu'elle ralentit aussi la vitesse de la capacité de lecture et la concentration? Bon, Bon, l'énergie qui descend, ce qui arrive simplement, c'est que l'énergie qui descend ne cause qu'une transformation au niveau du cortex cérébral, surtout, puis de la matière grise. Une parcelle de la matière blanche aussi. Alors, ce qui va arriver, c'est que ces transformations-là, donc ces nouveaux canaux-là, dans lesquels l'énergie physique peut circuler pour permettre, par exemple, la réflexion, pour permettre la recherche au niveau des mémoires, mais cette énergie-là ne circule pas dans les nouveaux canaux, mais si les anciens sont détruits pour justement permettre la construction de nouvelles structures de programmation au niveau neurologique, bien, automatiquement l'individu, effectivement, n'a plus de mémoire. L'individu peut avoir de la difficulté à se concentrer. L'individu peut avoir l'air d'une personne un peu étourdie, même d'une personne un peu aliénée à un moment donné. Bon. Est-ce qu'il y a aussi une phase d'impersonnalisation à ce moment-là, Daniel? Il peut, non. C'est-à-dire que ça peut donner l'impression d'une phase d'impersonnalisation parce que ça ressemble à un lavage de cerveau en termes de personnalité astrale. Mais l'individu a toujours un ego qui ne sait plus qui il est. L'individu est toujours, c'est-à-dire que son astral reste à l'état d'identification, mais la personnalité de l'astral ne peut plus transpirer, donc ça donne l'impression d'une impersonnalité. Parce que si on regarde dans les phases d'évolution, tu as la croissance, c'est-à-dire que tu as le potentiel-là de ton phénomène astral dans un individu qui n'est pas encore au monde. Tu as un état de croissance astrale, tu as un état d'identification astrale, tu as un état de personnalisation astrale, tu as un état de contrôle astral, ça continue jusqu'au rayonnement. Ben alors, ce qui arrive, c'est que la personnalité peut disparaître parce que la personnalité va surtout transparaître par le corps physique. Mais si tu as une transformation, une mutation neurologique, ce qui fait que les canaux habituels, donc la programmation normale de l'individu, sont détruites, on a d'autres canaux plus efficaces, mais l'individu ne les connaît pas, n'arrive pas à s'en servir, bien évidemment, ça donne le phénomène, on dirait qu'il n'y a plus de personnalité parce qu'il y a une phase de lavage de cerveau qui n'est pas réelle, mais qui on dirait que ça ressemble à ça. Alors évidemment, il va y avoir les phénomènes, les douleurs, par exemple, qui sont simplement des métamorphoses au niveau neurologique. Évidemment, ça peut créer certaines douleurs. Maintenant, le cerveau lui-même ne souffre pas. Le cerveau n'est pas innervé. Le cerveau, par contre, est vascularisé et les vaisseaux cérébraux, eux, sont innervés. Eux peuvent souffrir. Alors, les douleurs normales, par exemple, du niveau cérébral, vont être des douleurs périphériques au niveau du crâne, qui vont être surtout des douleurs musculaires. Parce que tous les maux de tête, à part certaines formes de migraines, sont musculaires. C'est simplement des douleurs au niveau tensionnaire, des tensions musculaires. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau souffrance, comme on a de temps en temps des souffrances au niveau de, justement, d'une transformation ou d'une captation d'énergie, c'est des souffrances qui vont se répercuter par le mauvais contrôle qu'a le cortex cérébral ou encore le système péripyramidal, le système volontaire de l'homme, celui qui fait bouger à volonté les muscles, un mauvais contrôle qu'il a sur différentes musculatures, alors ce qui fait qu'il va créer une tension qui crée une douleur. Et cette douleur-là, bien évidemment, t'as beau faire masser, t'as beau n'importe quoi, c'est comme une crampe. Mais c'est pas une crampe normalement, une crampe musculaire, ça va être surtout causé par un tendon qui, quand il va revenir à sa place, va revenir en s'entortillant. Alors, c'est pour ça que si tu as une crampe au niveau de la jambe, normalement, en réétirant la jambe, tu réétires le tendon, puis si tu ramènes lentement, tu lui permets de revenir à sa place normalement, la crampe disparaît. Là, on parle d'une crampe similaire, mais qui va être musculaire, c'est-à-dire que c'est une tension nerveuse qui va être générée par le cortex cérébral, par le cerveau, parce qu'il y a une mutation cérébrale, donc automatiquement, l'électricité du système volontaire de l'homme ne donne pas le même résultat que normalement, ce que normalement il devrait donner. En toi, c'est une tension nerveuse qui, normalement, va se caractériser par une hyperstimulation gastrique qui peut t'amener des ulcères à l'estomac à un moment donné. Mais par transformation cérébrale, elle peut tout d'un coup s'extérioriser par un tic nerveux. Comme tu peux avoir aussi une aberration cérébrale qui peut te donner ça. Mais elle peut s'extérioriser par une tension au niveau de la nuque qui va te donner des maux de nuque puis à un moment donné des maux de tête. Alors, ce qui fait que la transformation au niveau des neurones justement, qui est une transformation qui va être causée par l'énergie, par une captation d'énergie supramentale, par exemple, et elle peut te faire perdre, elle peut carrément, justement, te donner l'impression que tu es aliéné. Maintenant, ce qui arrive, c'est ça, c'est que si l'individu serait capable de, immédiatement, quand il y a une transformation au niveau de son mental, être capable de découvrir la nouvelle manière de travailler, ben, automatiquement, l'individu n'a pas de phase d'aberration, disons, transparaissent, là, mais l'individu va automatiquement se perfectionner immédiatement, instantanément, radicalement, puis rapidement. Alors, ce qui fait qu'en attendant, étant donné que l'individu a une manière, une habitude, donc une programmation mentale. On a des habitudes qui sont psychologiques. On a aussi des habitudes mentales, ce qui fait qu'on va, par exemple, additionner, on va faire des additions d'une manière comme on l'a appris, puis on n'ira pas chercher ailleurs. Quand on regarde une carte géographique, on va toujours la regarder de la même manière, ou en lisant en premier la légende, ou en ne lisant jamais la légende, ou etc. Quand tu commences un livre, c'est de la même manière. Quand tu rentres dans une nouvelle maison, tu as un phénomène qui est normal. Ça, c'est ta programmation mentale qui fait que tu regardes ça, c'est juste pour plaire à ton astral, comme j'expliquais l'autre fois, tu rentres dans le cinéma, ah, qu'il y a des beaux rideaux, ah, qu'il y a une belle écran. Mais les sorties de secours, tu les as jamais vues, parce que ta programmation mentale fait justement que tu ne regardes pas des choses qui, logiquement, devraient primer. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu, s'il est capable de connaître une programmation mentale, s'il est capable de voir la disparition de son habitude mentale, donc de sa programmation mentale, il va être capable de rechercher à l'intérieur de lui la nouvelle programmation mentale. Alors, comme je t'expliquais, si tu dois passer par 8 milliards de neurones pour lever le bras, ça prend un certain temps. Si tu dois passer par 400 000 neurones, ça prend pas mal moins de temps. Alors, c'est simplement ça. C'est simplement ça qui arrive quand l'énergie descend. Puis ça, c'est l'énergie, et c'est pas l'énergie qui cause ça. C'est la transformation qu'elle a, elle a opérée au niveau de tes neurones. C'est le réceptacle. Ça. Lorsque l'homme deviendra réel, devra-t-il auparavant se défaire de son esprit afin que l'énergie devienne un avec son mental? Marie. Bon, alors, vois-tu, Marie, c'est que pour certains individus, l'esprit, c'est le mental. Pour d'autres, l'esprit, c'est le supramental. Pour d'autres, l'esprit, c'est bon. Une chose qui est sûre, c'est que quelle que soit la définition que tu mettes au mot esprit ou au mot mental, tu as raison dans le sens que lorsque l'homme deviendra réel, entre guillemets, bon, justement, il devra se défaire de son esprit, il devra se défaire de son mental, il devra se défaire de son astral, il devra se défaire de son vital et de son physique. Et quand on dit se défaire, ben c'est ça qui est le terme dangereux. Ça veut dire qu'à partir de demain, je me mets en guerre et je me mets en lutte pour détruire mon astral, pour détruire tout ça. Non. Lorsqu'il y a une fusion, tous ces corps-là, automatiquement, sont détruits. Mais en réalité, ils ne sont pas détruits, ils sont métamorphosés. Mais par rapport à une personne extérieure, c'est détruit. Par rapport à l'individu qui fusionne, c'est pas détruit. C'est complémentarisé. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est évident que quand l'homme va être, mais être, c'est quoi? C'est être pas un verre. C'est pas être un homme. C'est être tout, sans ce mot-là, qui essaye imbécilement de définir ce que je veux dire. Alors, quand l'homme va être, mais quand l'homme va être, il n'y aura plus de limite, il n'y aura plus rien. Ce qui fait que s'il n'y a plus rien, bien, le corps physique n'est plus là non plus. Donc, le corps physique est disparu, est détruit. Mais en réalité, il n'est pas détruit. Et par rapport à un observateur extérieur qui ne comprend pas ce qui se passe, il y a des destructions. Alors, c'est la même chose au niveau de l'astral, au niveau de tous ces corps-là. L'homme va s'en débarrasser dans ce sens que l'homme va le transmuer en quelque chose d'intelligent. Si tu prends ton corps physique, tu le détruis, bien, c'est qu'une parcelle, disons, dans l'univers ou disons dans Dieu, qui ne peut pas être Dieu, parce que le corps a été détruit. Le corps n'a pas été métamorphosé, disons, en Dieu. Alors, ce qui fait que si Dieu est partout, bien, évidemment, tout doit faire partie de Dieu à un moment donné. Et puis, Dieu, bien, encore là, c'est un contexte, un concept, pour bien du monde, en conflit que c'est un langage. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à un moment donné, bien oui, l'esprit va disparaître, le mental va disparaître. Mais l'esprit, tel qu'on l'emploie présentement en ésotérisme, ça définit quelque chose de légèrement supérieur à l'énergie supramentale. C'est même quelque chose qui peut contrôler une descente d'énergie supramentale, ou si on préfère, qui va contrôler les dangers que peut causer une captation d'énergie supramentale dans le mental humain. Présentement, l'ésotérisme, l'esprit désigne quelque chose de supérieur. Mais là, je donne la définition qu'on emploie à nous autres, parce que l'esprit peut désigner tout ce qu'on veut que ça désigne. Hein? Alors, disons que présentement, l'esprit, c'est supérieur, tu aurais le supramental après, puis tu aurais tous les schémas de l'homme. Mais veux pas, être, c'est pas être un esprit, c'est être. Être réel, ben c'est ça. Ça veut dire d'être vivant, sans contexte temporel, donc sans passé ni futur, ça va de soi, parce que le temps, c'est une farce. Daniel, l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience seraient contenus dans quoi? Mais vois-tu, disons que pour... C'est pas contenu dans quoi que ce soit, premièrement, puis ça contient tout, donc bref, ça contient rien non plus. Mais pour te rapprocher de l'immortalité, il faudrait justement que tu arrives à pouvoir contenir tout le temps dans une seconde. Pour être plus précis, disons, dans un milliardième de millionième, de trillionième, de millionième de seconde. Puis encore là, je suis pas précis, là, mais j'essaie de me rapprocher. OK? Il faudrait que l'infinité puisse être contenue dans un grain de sable. Bon. Alors, tu te rapprocherais de cette omnipotence. mais c'est pas contenu dans quoi que ce soit. Nous autres, vois-tu, dans quelque chose de temporalisé. Pourquoi que l'infini est partout? Excuse, dans l'énergie qu'on appelle du supramental, excuse si je te coupe, là, mais dans l'énergie qu'on appelle du supramental, ou Esprit Saint, ou Saint-Esprit, et ainsi de suite, là, il y a un peu d'omniprésence, d'omniscience et d'omnipotence. Il y en a un peu. Ce qui veut dire par là qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas un certain pourcentage. Vois-tu, c'est que dans tout, il y a l'infinité. Mais ce tout-là ne peut pas être infini. Je te donne un exemple. Si tu regardes simplement mon verre d'eau, tu peux couper mon verre d'eau en deux. La moitié du verre d'eau, tu peux la recouper en deux. Mais tu peux recouper en deux ces morceaux-là infiniment, hein, une infinité de fois, sans jamais arriver à un morceau que tu ne pourras pas couper en deux. Il y en a des morceaux qui vont être minuscules en ta barouette, mais tu peux encore le couper en deux. Puis une fois qu'il est coupé en deux, tu peux encore le couper en deux. Je ne dis pas ça faire avec un couteau, parce qu'à un moment donné, le couteau va être plus gros que la parcelle. Mais tu peux continuellement couper en deux. Alors, ce qui fait que dans ce verre-là, l'infinité est contenue. Mais le verre est limité. Le verre n'est pas infini, même si l'infinité est dedans. Hein? Alors, si tu prends une règle, la règle mesure un pied. Ou la règle, par exemple, mesure 30. 30 divisé par 2, ça fait 15. 15 divisé par 2, ça fait 7,5. Ça divisé par 2, ça donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne une autre mesure. Qui divisé par 2 donne, par exemple, 0,8, 0,4, 0,2, 0,1. Là, tu tombes au niveau des centièmes, puis tu continues. Je suis au niveau des millièmes, puis tu continues. Mais tu n'arriveras jamais à zéro. Tu vas toujours arriver à diviser ta parcelle en deux, mais ça va être de plus en plus petit. Donc, dans ta règle, par exemple, qui mesure un pied, tu as l'infinité contenue dedans. Même si ta règle est limitée et qu'elle n'est pas infinie. OK? Alors, ce qui fait que... Relativement à la règle, oui. Ah, relativement à n'importe quoi. Sinon, c'est plus relatif. Est-ce que tu avais répondu à ça? Oui. Dans le... Ah oui, excuse. Dans le cours de l'astral, tu as donné la technique de planche. Quand tu t'en sers pour la tête et qu'une planche va beaucoup plus vite sur le côté gauche, peux-tu expliquer le phénomène, Jackie? Oui, simplement un phénomène qui... l'isométrie cérébrale n'est pas encore développée totalement chez l'homme, et puis à un moment donné, on va arriver à développer ça. Ça veut simplement dire que si vous auriez une isométrie cérébrale extrêmement développée, ça veut dire un équilibre entre vos deux hémisphères cérébrales, ben vous pourriez écrire des deux mains la même écriture ou encore copier deux lettres différentes avec deux mains différentes, deux papiers différents, sans avoir de problème. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'au niveau des deux hémisphères cérébraux, ben, il y a un hémisphère qui est plus développé que l'autre dans certaines fonctions, et ce qui fait simplement que, au niveau de toute la conductibilité de la répercussion qu'a l'astral sur notre conscience, ben, dans cette technique-là, on imagine simplement deux objets à l'intérieur de notre crâne qui essaient de traverser puis de se passer l'un l'autre à l'intérieur du cerveau. Et s'il y en a un qui bouge plus vite que l'autre, c'est simplement parce qu'on a un problème isométrique au niveau de nos hémisphères cérébrales. Il y en a un qui a moins de contrôle que l'autre, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire la même chose en même temps. Un exemple d'isométrie cérébrale qui est normal dans le cadre du physique, mais non pas dans le cadre de l'astral ou du vital, comme la technique justement des planches, l'isométrie cérébrale, ça va être de pouvoir tourner les mains en même temps, ou de pouvoir taper le pied puis la main en même temps, suivre un rythme avec deux choses différentes. Ça va. Je peux changer de côté, donc j'ai une isométrie cérébrale physique. Puis là, le problème qu'il y a, c'est que cette isométrie-là étant une habitude, on n'arrive pas à la casser. Si tu es capable de suivre un beat, un rythme avec ta main, d'en suivre un autre complètement différent que ton pied. Bon, si tu peux faire ça, tu as réellement une isométrie cérébrale, tes deux hémisphères travaillent un à l'extérieur de l'autre, mais contrôlés. Ça, c'est la réelle isométrie cérébrale. Tu en as une physique, ça veut dire que les deux travaillent en collaboration, mais vu qu'elle est incontrôlée, tu n'en es pas une. Parce que ce que tu contrôles, ben, faut que tu puisses l'arrêter puis le partir. Ou faire ce que tu en veux. Alors, ce qui arrive simplement au niveau de cette technique-là, c'est simplement ça. C'est qu'il y a un des hémisphères qui est plus libre, ou donc moins contrôlé que l'autre côté, ou il y en a un qui est plus engorgé que l'autre. Il y a un paquet d'explications. La seule chose qui est sûre, c'est que les deux hémisphères cérébrales ne sont pas contrôlés, ne contrôle rien non plus parce que tu n'es pas capable de ralentir un côté plus que l'autre. Et les deux ne travaillent pas dans ce domaine-là ensemble. Alors, vu qu'ils ne travaillent pas ensemble, ben, automatiquement, ça va un peu comme ça veut. OK. quelle est l'importance de pouvoir se servir des deux côtés séparément dans l'évolution? Premièrement, ça double toutes les capacités physiques, astrales, vitales et mentales de l'homme. Hein? Ça permet de pouvoir régler deux problèmes en même temps. Donc, ça règle. Il y en a qui ne sont même pas capables d'en régler un. Fait que moi, je ne peux pas régler en même temps. Alors, ça double tout ça. Ça prépare l'homme et de beaucoup plus près. Et surtout, c'est que ça permet à certaines formes d'énergie différentes de pouvoir pénétrer en même temps dans l'homme, au lieu que ça rentre une à la fois. Parce qu'on sait que certains grands initiés, justement, écrivaient une lettre en même temps avec les deux mains. Et puis, la lettre avait tout été écrite. Ils prenaient, ils mettaient une par-dessus l'autre et ça arrivait exactement à la perfection. Oui, il y avait le comte de Saint-Germain, entre autres, qui faisait ça. Mais il y a eu d'autres initiés, justement, qui avaient une isométrie cérébrale absolument parfaite. Alors, ça leur permettait, justement, de pouvoir jouer du piano et écrire pendant ça-là avec son autre main, parce que chaque hémisphère cérébrale s'occupait de travailler avec une affaire. Ça, c'est absolument normal, c'est très faisable. Mais le problème, présentement, du mental humain, c'est qu'il n'est pas assez développé, donc pas assez personnalisé, même à peine identifié, pour pouvoir faire ça. Une chose qui, à un moment donné, va être développée chez l'homme et chez la femme, parce que c'est normal que ça le soit, ça va permettre, présentement, vois-tu, soit tu es en conscience, soit astrale, soit en conscience mentale. Si tu réagis émotivement, ben il n'y a pas de mental. S'il y a du mental, l'émotif disparaît, puis là, il y a une lutte qui se fait qui au niveau astral, à chaque millième de seconde, tu essaies d'être mental, l'astral revient, tu recommences à être mental. Si tu arrives à avoir une isométrie cérébrale assez développée, tu vas être capable d'être mental d'un côté, d'être astral de l'autre, ce qui fait que tu vas avoir un autre point de travailler réellement dans le domaine de la matière sur deux plans d'énergie totalement différents. Mais surtout, c'est que tu vas être capable d'avoir un contact supramental, donc une bilocation extraterrestre, avec en même temps dans l'autre hémisphère cérébral, un contact planétaire, donc une location planétaire. Ce qui fait que là, à ce niveau-là, tu vas pouvoir être bilocalisé réellement, parce que dans ton cortex cérébral, tu vas avoir une entité cérébrale reliée par le corps calleux, donc reliée par ce qui est justement au niveau du cerveau, ce qui relie les deux hémisphères. Mais tu vas avoir effectivement un hémisphère qui va être capable de travailler avec des énergies extraplanétaires et un hémisphère qui va être en relation avec les énergies planétaires, tout ça relié par le corps calleux, entre autres, où la glande pinéale, justement, va venir jouer un rôle. Alors ça te permet ça. Mais pour en arriver là, il faut que tu développes tes deux hémisphères d'une façon correcte. C'est quelque chose qui se fait bien quand on comprend et quand on sait pourquoi. Alors, disons que pour répondre à la question, c'est simplement parce que ça, c'est pas tout à fait fait. Peux-tu parler plus profondément de la Jérusalem céleste? Y a-t-il un rapport avec la race juive et la Jérusalem céleste? Bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un sujet qui, disons, m'intéresse pas dans ce sens que c'est un sujet qui est trop spirituel, qui est trop dangereusement spirituel. Chose qui est sûre, c'est que la race juive n'a aucun rapport avec la Jérusalem céleste. Bon, il y a des juifs qui vont en faire partie et des juifs qui n'en feront pas partie. Puis la Jérusalem céleste, bon, c'est ça. Ça ne me tente pas d'en parler parce que présentement, moi, mon travail, c'est de m'arranger pour que l'homme, présentement, arrive à pouvoir comprendre ce qui va lui permettre d'arriver, disons, à la Jérusalem céleste. Mais d'autres individus vont s'occuper de parler, surtout de la Jérusalem céleste, pour mettre une carotte sur un bâton en avant de l'homme, pour le forcer à avancer. Mais par contre, ne donneront pas à l'homme la possibilité d'aller chercher la carotte. Alors, ce qui fait que la Jérusalem céleste, présentement, en ce qui concerne l'être humain sur la Terre, bien, qu'elle existe pas, ça ne changera rien à ses problèmes, ça ne changera rien à son évolution ou à son évolution, ça ne changera rien à rien. Sauf que ça peut lui donner un espoir, c'est typiquement astral, un espoir, ça l'exclut la compréhension. Je pense que si on couraille quelque chose parce qu'on s'imagine que peut-être que ça va être vrai, bien on est dans le phénomène de la foi, donc dans le phénomène de l'insavoir, de l'ignorance, et puis on bâtit notre cheminement à partir d'une affaire qu'on croit et qu'on ne sait pas, ce qui fait qu'en partant, c'est trop dangereux. Alors, la Jérusalem céleste, ça n'a pas rapport à la Jérusalem du passé. Hein, c'est pas la même ville qui va être construite. Ça a un rapport, disons, symbolique par rapport aux traditions hébraïques que Jérusalem était justement un endroit où Salomon a passé, où Salomon a vécu, et qui était, disons, une espèce de représentation des énergies astrales sur la Terre. Prochainement, sur la Terre, on va avoir aussi sans doute, à un moment donné, la matérialisation des énergies supramentales dans le domaine de la matière, style peut-être d'une Jérusalem comme on a eu là-bas. C'est pas la Jérusalem céleste, mais c'est des termes, c'est des choses justement qui risquent trop de spirit qu'on peut facilement spiritualiser, donc on peut transformer en espoir, en leitmotiv, en but, Et puis, on perd automatiquement la vérité, la réalité, bref, ce qu'on aurait à faire. Alors, si tu fais un grévé à aller aux Olympiques, tu risques d'oublier de t'entraîner. Entraîne-toi, puis quand tu seras bon, je te parlerai des Olympiques. Ben, c'est la même affaire pour la Jérusalem céleste. Quand on sera prêt, on va en parler. Ce qu'on appelle l'esprit est-elle de l'énergie qui nous met en contact avec d'autres mondes dans les plans invisibles? L'énergie est-elle parole? Au plus profond de moi, je crois que l'esprit n'existe pas. Bon. Alors, comme tout à l'heure, on expliquait, c'est que l'esprit, c'est quoi? Qu'est-ce que veut dire l'esprit ici pour la personne? Est-ce que l'esprit veut dire, bon, si l'esprit n'existe pas, ben l'esprit n'existe sans doute pas pour cet individu-là. Parce que ce que toi, tu appelles l'esprit, elle l'appelle une autre chose. Et cette autre chose-là, elle y croit. Mais toi, tu appelles ça l'esprit. Mais elle, ce qu'elle appelle l'esprit, peut-être que tu n'y crois pas, toi, non plus. Mais elle croit pas à l'esprit. Alors, ce qui fait que je ne peux pas répondre bien, bien clairement à une question où c'est que les mots n'ont pas été définis, pour la simple raison que ce qu'on appelle l'esprit, est-ce que c'est de l'énergie? Bon, ben si je dis oui, c'est de l'énergie, tu me dis d'abord que tu ne crois pas à l'esprit, donc tu ne crois pas à l'énergie. Alors, ce qui fait qu'en partant, qu'est-ce que le mot veut dire? Ça, c'est bien important d'essayer continuellement de bien définir le mot qu'on emploie. Quitte à réapprendre la langue française, hein, quitte à lire bien beaucoup, à apprendre le dictionnaire par cœur, mais une chose qui est sûre, c'est que si l'esprit, tu n'y crois pas, puis tu me demandes de te le définir par rapport à un concept, est-ce que l'esprit de l'énergie? Oui. Alors, moi, je ne crois pas à l'énergie. Bon, ben, viens en bas, m'ouvrir mon capot de char, puis moi, te mettre les deux mains sur ma batterie. Tu vas voir si l'énergie existe. Alors, ce qui fait qu'en parlant, il faut faire bien attention avec ça. Est-ce que l'esprit nous permet d'entrer en contact avec d'autres mondes dans les plans invisibles? Si c'est invisible, c'est que c'est pas matériel. Si c'est pas matériel, c'est que c'est énergétique. Si l'esprit est énergétique, ben, il faut qu'il y ait quelque chose quelque part qui se mette à exister, hein, pour permettre au moins la compréhension. Alors, au plus profond de moi, je crois que l'esprit n'existe pas. Tu as sans doute raison. Ça dépend juste de ce que tu entends par esprit. Pourrais-tu expliquer la conscience moléculaire et la conscience atomique? Y a-t-il un rapport avec ce qu'on appelle deux âmes sœurs ou l'androgénéité? Bon, alors on va y aller morceau par morceau. La conscience moléculaire, tout à l'heure, on en a parlé un peu en ce qui concernait, par exemple, la réaction que devait prendre l'énergie cérébrale pour pouvoir communiquer une idée, une pensée ou un ordre dans le domaine du physique. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'énergie moléculaire, c'est une énergie qui est électrique, donc qui est aussi atomique, sauf que l'atomicité de l'énergie est limitée par la forme qui va transporter l'énergie, donc par la molécule. Alors, ce qui fait que si, par exemple, moi, je donne un coup, tu prends un bâton, tu te la cotes sur le menton, puis que moi, je frappe sur le bâton, bien, évidemment, le bâton va transmettre mon énergie, tu vas recevoir mon coup de poing par l'intermédiaire du bâton. Par contre, ça prend un certain temps, il y a une parcelle de mon énergie qui est absorbée par le bâton, donc disons que mon coup de poing, c'est une énergie atomique, le bâton transmet l'énergie, alors ce que tu reçois, c'est un coup de bâton. Mais ça, c'est de l'énergie moléculaire, donc c'est de l'énergie atomique freinée par le cheminement à travers les molécules pour pouvoir exprimer cette énergie-là. Alors exactement comme, à un moment donné, toi, tu réfléchis. Mais tu réfléchis, et pour réfléchir, tu as une polarisation, une dépolarisation de neurones à travers un paquet de phénomènes qui arrivent à te permettre une réflexion. Mais tous ces phénomènes-là, chimiques-là, ce sont des phénomènes qui sont de type moléculaire et qui nuisent énormément à la rapidité de fonctionnement. Donc, qui vont empêcher l'instantanéité de la réflexion. L'énergie atomique, c'est l'énergie qui n'est pas le summum, qui est une énergie qui est très, très haute dans le domaine de la matière. En haut de l'énergie atomique, on tombe dans l'énergie lumineuse qui est un peu plus haute que l'énergie lumineuse de nos lampes. Alors, ce qui va arriver, c'est ça. C'est que dans cette énergie atomique-là, tu n'as pas, si on parle de l'énergie atomique pure, tu n'as pas le frein de la molécule. Alors, comme tout à l'heure, on parlait au niveau cérébral, tu vas réfléchir d'une façon électrique, donc disons atomique, et ça va être un milliard de fois plus rapide que la façon que tu te sers présentement, qui est une façon chimique ou moléculaire. Alors, ça donne un rapprochement qui est un rapport absolument parfait entre ces deux exemples-là. Alors, donc, c'est ça. La conscience moléculaire, c'est une conscience qui est limitée par la matière, donc par la forme. Et la conscience atomique, c'est une conscience sans nécessité de forme pour pouvoir avoir un support. Donc, elle n'est pas limitée par la forme, donc par la molécule. Parce que l'énergie atomique, évidemment, vit dans la molécule. Sans énergie atomique, il n'y a même plus de molécule. Mais c'est ce qui va arriver à un moment donné. Tu vas pouvoir réfléchir sans ces molécules-là, donc sans ces freins-là. Y a-t-il un rapport avec ce qu'on appelle deux âmes sœurs ou l'androgénéité? Les âmes sœurs, c'est, spirituellement parlant, un individu similaire à nous autres avec lequel on peut, en se mettant en relation, donc un homme, une femme, par exemple, ou encore deux hommes, deux femmes, arriver à pouvoir évoluer à une vitesse extraordinaire. Mais l'âme sœur, c'est quelque chose de... Encore là, ça, c'est une... Oui, il y a différentes définitions. Il y en a d'autres qui vont utiliser le même terme pour d'autres choses. Âme sœur pour un autre, pour des affinités pas nécessairement spirituelles. L'androgénéité, c'est simplement le retour à nos sources, c'est-à-dire que avoir deux âmes sœurs, l'esprit moléculaire et l'esprit atomique, c'est deux choses qui ne sont pas âmes sœurs, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est opposé à l'autre, donc à un moment donné, il y a une espèce de conscience moléculaire qui va disparaître, qui va être transformé ou qui va être simplement une conscience atomique. Et ça, c'est énorme. Et ça en vient. Disons, encore dans quelques milliers d'années, on va avoir une masse qui va être au niveau de la conscience atomique. L'androgénéité aussi, c'est pas pour suite. Hein? C'est pour encore pas mal longtemps. Et puis, toutes les choses qui se... à un continuum temporel, ben, c'est des choses qui, présentement, ne peuvent pas être royalement utiles pour l'être humain. Alors, de temps en temps, je parais assez plate. Pourquoi? Parce que, justement, je ne réponds pas à des questions qui, selon moi, ne servent pas à grand-chose. L'androgénéité, ben, c'est simplement le fait de ne pas être sexué, donc d'être capable de soit se reproduire sans sexualité, ou encore d'être capable de ne plus mourir. Alors, ce qui fait qu'on n'a plus de sexualité. Parce que tout à l'heure, je vous expliquais qu'il vient un temps où l'énergie vitale se trouve à être diffusée à l'extérieur des centres d'énergie, donc l'homme redevient un enfant, de ce fait, l'homme ne vieillit plus, de ce fait, l'homme ne meurt plus, et de ce fait, l'homme rentre en contact de par son expérience avec les plans astroplanétaires, de ce fait, la réincarnation de ces plans-là n'est plus nécessaire, et automatiquement, l'individu n'a plus de sexualité, donc devient androgène, c'est-à-dire qu'il devient sans sexualité, et il n'y a plus de reproduction sur la Terre dans le règne humain, parce que le règne humain ne meurt plus. Disons que l'âme sœur et l'androgénéité, c'est quelque chose de différent aussi. Mais l'androgénéité telle qu'elle va être, va tout de suite, c'est une androgénéité de cette sorte-là. Il n'y aura plus de mortalité, plus de naissance, plus de problème. Ouais, c'est fun. Bon, ben ça, profite-en. L'entité est-elle chimique ou atomique? L'entité, elle est énergétique, qui veut dire... un peu en haut de l'atomicité. Évidemment, encore, je parle de l'entité sous forme d'esprit, telle qu'on la conçoit en termes ésotériques. Ça serait lumière. Oui. Celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel qu'on pourrait appeler le plan éthérique pour le moment. Alors, dans cet autre plan, est-ce qu'il y aurait existence de corps physique, ou si le corps physique devient autre chose que matière? Bon, juste une petite remarque en ce qui concerne la formulation de cette question-là. C'est de cette façon-là, au moins, qu'on devrait... Il y a des questions ici qui auraient pu être intéressantes, qui le sont sans doute pour la personne qui les a posées, mais ici, celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel qu'on pourrait appeler le plan éthérique pour le moment. Au moins, il définit, hein, les mots qu'il emploie. Ce qui fait que là, si je veux répondre, me répond sans doute à sa question. Si on regarde ici, l'entité est-elle chimique ou atomique? Qu'est-ce que l'individu qui a posé cette question-là entendait par entité? Je ne sais pas. Alors, je réponds selon ce que moi, je crois qu'en ésotérisme, on entend, mais ça ne peut pas nécessairement être la même affaire pour un autre. Alors bon, celui qui emporte son corps à sa mort, il emporte ce corps dans un autre plan dimensionnel, qu'on pourrait appeler le plan éthérique, pour le moment. Disons que le plan éthérique tel que tout à l'heure on en a parlé, l'individu qui amène son corps, métabolise son corps dans une autre forme de phénomène, donc il devient lui-même en relation très intime, sinon il devient lui-même inhérent au plan supramental, donc au plan éthérique. Alors, en ce sens, jusqu'à date, c'est correct. Alors, mais le corps lui-même, c'est pas le corps qui amène, tu ne restes plus avec un corps. Et à la deuxième question, alors, dans cet autre plan, est-ce qu'il y aurait existence de corps physique? Bon, il n'y a pas existence de corps physique parce que le plan physique n'est pas du domaine du plan éthérique. Donc, le corps physique va exister dans un domaine physique, le corps vital dans un domaine vital, etc. Et ce qui fait que l'individu finit par avoir une forme informelle, pas une forme comme on a ici, une forme qui n'a aucun rapport avec ce qu'on peut voir, c'est une agglomération d'énergie, et qui est d'ordre supplémentaire, donc d'ordre éthérique, ça va soi, donc il n'y a pas de corps physique là, de plan physique ou quoi que ce soit. Ou si le corps physique devient autre chose que matière, bien effectivement, le corps physique ne devient plus matière, il se trouve à être fusionné avec les autres plans pour devenir totalement éthérique, vers, disons, que l'individu qui amène son corps quitte le plan planétaire, donc vit totalement dans le plan éthérique, donc le corps est un corps éthérique maintenant, mais un corps éthérique dans le sens supramental, et l'individu qui reste relié au plan planétaire, donc qui reste bilocalisé sans corps physique, c'est simplement que les corps bas, donc le mental allé en descendant, sont à l'approche de la fusion, c'est-à-dire que ces corps-là ont une harmonie vibratoire très similaire, donc ils sont ajustés, hein, ils sont pareils, ils ont la même forme de vibration, mais l'individu n'a pas encore complété son schéma évolutif en ce qui concerne son cadre mental, ce qui ne le met pas en contact total et permanent avec l'énergie extraplanétaire du supramental, donc de l'éther. Alors, ce qui fait que cet individu-là va être ce que nous, on va appeler un des maîtres du monde, qui va être resté assujetti au plan planétaire jusqu'à temps qu'à un moment donné, le reste de son corps lui-même arrive, laisse-moi finir, arrive à l'identification éthérique. Un individu, justement, qui, pour que les grands maîtres qui en sont rendus, justement, à emporter leur corps à leur mort, mais qui restent prisonniers de la planète Terre, comme il y en a plusieurs, arrivent à se libérer de la planète Terre, ben, ces maîtres-là ont besoin du support humain pour l'instant. C'est-à-dire que ces maîtres-là sont les maîtres du monde parce qu'ils sont le monde. Et étant le monde, ils vont être capables de se libérer des entités astrales planétaires, c'est-à-dire de faire fusionner tous leurs êtres, donc la Terre au complet, quand l'entité humaine va avoir elle-même atteint l'état de fusion. Alors, de ce fait, pour qu'eux autres puissent arriver à poursuivre leur cheminement évolutionnel, ils se doivent donc de forcer l'homme à continuer son propre cheminement évolutif. Donc, de ce fait, on s'imagine que les grands maîtres nous aident. En réalité, les grands maîtres ne font ça que pour eux-mêmes. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont intelligents et sensés. Alors, ce qui fait que ces grands maîtres-là attendent donc après l'évolution humaine pour pouvoir se libérer. Alors, ce qui fait que si vous devenez un maître d'ici au lendemain, vous êtes quand même pogné ici pour plusieurs milliers d'années, en attendant que l'humanité arrive à pouvoir vous libérer. C'est-à-dire que tout le monde arrive à se libérer en même temps. Maintenant, à la lumière de certaines informations ésotériques qu'on a, Daniel, ces maîtres du monde-là prendraient des corps physiques à l'occasion pour jouer le rôle qu'ils ont à jouer sur Terre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Est-ce qu'ils le prennent à la naissance ou est-ce qu'ils le forment? Bon, ces êtres-là ne prennent pas des corps, c'est-à-dire que c'est pas l'être lui-même qui prend un corps. Disons que là, c'est quelque chose qui est amusant à expliquer, mais je ne sais pas si encore là, c'est réellement dans le domaine de l'utilité. Là, on va en parler pareil un peu, ça peut toujours au moins servir à un moment donné. Ce qui va arriver, c'est que ces êtres-là ne bâtissent pas de corps physique, ils ne prennent pas un corps à la naissance. Par contre, ils peuvent faire appel à d'autres formes d'énergie qui sont d'ordre extraplanétaire, qui, eux, ont la possibilité de pouvoir engendrer une transformation moléculaire, donc qui sont quand même une possibilité de pouvoir diminuer leur schéma atomique à un schéma moléculaire et de diminuer ces vibrations-là jusqu'à la création d'un corps physique pour pouvoir accomplir une tâche qui aurait normalement été demandée par un grand maître. Quand on parle de grand maître, on parle évidemment de ces entités-là qui couvrent la planète Terre. Alors, ces entités-là peuvent donc, de temps en temps, avoir ce qu'on appelle des messagers ou simplement avoir un individu hautement évolué qui va se présenter sous la forme d'un grand maître, mais ce n'est pas le grand maître. La seule fois qu'une entité, disons, hautement évoluée, réellement, s'est pris un corps pour descendre sur la planète Terre, pour venir parler, c'est une entité qui a dû involuer, puis c'est pour ça que les grands maîtres ne le font pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir abaisser leurs vibrations et de les remonter à volonté, sans passer par un schéma d'initiation absolument terrible. Alors, il y en a un, à un moment donné, qui, lui, devait passer par là. Alors, lui, il l'a refait, donc il a pris un corps à la naissance, mais un corps qu'il a lui-même engendré. Hein? Et il s'est servi de ce corps-là dans un cadre involué humain pour ne pour faire ce qu'il avait à faire pour permettre à son entité globale planétaire de pouvoir évoluer. Donc, il a été obligé de descendre au niveau de la forme planétaire pour pouvoir obliger, donc pour pouvoir augmenter le taux vibratoire de l'humanité de l'époque, l'humanité la plus intelligente de l'époque, donc l'humanité juive, qui était la plus hautement évoluée à l'époque. Alors, il a augmenté le schéma vibratoire de cette entité de population-là pour que celle-là puisse, par après, continuer à augmenter le schéma vibratoire pour sauver qui? Sauver lui, c'est-à-dire sauver la planète et le système solaire, et bref, ce qu'elle a avec. Ça qui est à peu près incompris présentement par par la population actuelle. Parce qu'on est trop identifié de par notre égoïsme, de par notre ego, dans notre forme physique, alors on ne peut pas imaginer qu'un système solaire évolue. Ou qu'un système galactique évolue. Alors cet être-là, qui était Jésus de Nazareth, ça va de soi, Jésus le Nazaréen pour être plus précis, parce que de Nazareth, soit Nazareth, hein, oui, bon. Alors, ce qui est arrivé simplement, c'est que cet être-là, en faisant ça, a été obligé de repasser par certaines formes que normalement, il n'aurait pas eu à faire. Alors les grands maîtres ne font pas des cheminements comme ça. Normalement, ils vont prendre comme associé ou comme assistant des formes d'énergie qui sont extraplanétaires et qui ont, d'autres, la possibilité de pouvoir s'agglomérer sur la Terre en forme moléculaire sans pour autant perdre de leur capacité énergétique. Donc, ils peuvent revenir après ça à leur plan. Alors, en fait, les grands maîtres ne prennent pas de forme pour venir se présenter à toi. Par contre, tu peux avoir la forme d'un grand maître qui se présente à toi. C'est donc dire qu'au moment où il a accompli sa tâche, est-ce qu'il a, à ce moment-là, changé la conscience atomique? Automatiquement. Ainsi que la conscience moléculaire? Officielle. C'était son rôle? Non. Sans que ce soit son rôle, son résultat plutôt, oui. Oui. Et ça lui a donné quoi, lui? Ah, ben ça, tu lui demanderas. Quelle différence y a-t-il entre un être dont l'énergie vient d'un autre système solaire et d'un être dont l'énergie vient de notre système? Est-ce que l'énergie prend une forme différente pour l'un ou pour l'autre par rapport à la parole? Quel rôle a l'être descendant sur la planète? L'être descendant sur la planète. Bon, je vais répondre, disons, d'une façon qui va sans doute éclairer certaines personnes là-dessus. Une réponse que j'aurais sans doute jamais donnée, mais étant donné qu'on n'est pas les vendredis. Quelle différence y a-t-il entre un être dont l'énergie vient d'un autre système solaire? Plusieurs ici qui en connaissent au moins une personne, justement, que son énergie n'est pas de notre système solaire. Bon. Il vit à Montréal, en tout cas. Et d'un autre dont l'énergie vient de notre système solaire. Moi, par exemple. Est-ce que l'énergie prend une forme différente pour l'un ou pour l'autre par rapport à la parole? Jugez-en vous-même. Quel rôle a l'être descendant sur la planète? L'être descendant sur la planète a un rôle identique à celui qui est ascendant, comme tout à l'heure j'ai expliqué. La seule chose qu'il y a, c'est qu'un être réel, donc qui a une forme physique et qui, lui, est inhérent à un autre système solaire, bien, cet être-là a des capacités, disons, évolutionnaires différentes de l'être humain, comme par exemple, une évolution normale de l'être humain sur la planète Terre va obliger l'homme à passer par un cheminement physique, un cheminement vital, un cheminement astral, un cheminement mental, un cheminement supramental. Sur d'autres formes de systèmes solaires, donc, une énergie provenant de d'autres soleils, il peut y avoir des lacunes. Sur la planète Terre, la grande lacune a été au niveau du mental, c'est-à-dire que le mental n'a pas été généré par suffisamment d'énergie assez rapidement. Donc, l'emprise de l'astral a été tellement monstrueuse que ça l'a empêché l'homme, justement, la race complète, la planète, ça l'a empêché d'évoluer à son rythme qui aurait été naturel normalement. Par contre, dans d'autres systèmes, on a une évolution mentale du tonnerre, donc un contact supramental, mais par contre, il manque une entité astrale suffisamment développée. Donc, sur d'autres systèmes solaires, les individus peuvent avoir une forme physique, une forme vitale, un manque au niveau de l'astral, un développement mental, un contact supramental, pas de fusion parce que manque de corps astral. Alors, il y a certaines formes d'individualité, par exemple, qui peuvent partir de notre planète et se réintégrer ailleurs pour pouvoir développer une parcelle de ce qui leur manque pour accomplir leur fusion, comme il y a d'autres entités qui peuvent arriver de l'extérieur, de d'autres systèmes solaires, pour, par exemple, venir sur la planète Terre chercher notre spécialité, l'astral, pour arriver après ça par faire leur fusion. Alors, l'être descendant par rapport à nous-mêmes, vient ici pour évoluer, de même que l'être ascendant sur la Terre est là aussi pour évoluer. Tout ça, c'est un schéma qui s'entretient ensemble. Alors, comme je le dis de temps en temps, ben alors Dieu n'est pas parfait parce que Dieu est partout et que l'homme n'est pas parfait, donc il y a une parcelle d'imperfection dans Dieu. Ce qui fait que pour arriver à évoluer, ben Dieu a besoin de l'homme. Alors, les entités descendantes, donc théoriquement plus évoluées que nous autres, ne peuvent pas poursuivre leur chemin si l'inférieur reste inférieur. Alors, ce qui fait que l'aide de l'extérieur, là, réellement de l'extérieur au système galactique, ben, ce qui est descendant ou ascendant, tout ça monte. Mais par rapport à un laps de temps défini, par rapport à une individualité psychologique, disons planétaire terrestre, ben, l'homme voit une différence entre une descente et une montée. Est-ce que le Nazaréen venait de l'extérieur de notre système solaire? Le Nazaréen était inhérent à notre système solaire, puis il y avait des contacts avec un extérieur à notre système solaire. Par contre, le Nazaréen lui-même ne venait pas de notre système solaire, mais il ne venait pas non plus de l'extérieur du système solaire. Est-ce que Jean-Baptiste venait du système solaire? Jean-Baptiste, oui. Lazare? Oui. L'homme n'est que mémoire. Et la fusion est l'intégration parfaite de toutes les mémoires de ses corps formés par son mental. Avoir le contrôle parfait de ses corps et avoir le contrôle de ses corps, c'est être soi-même. Tout ce qui a été dit là est vrai, sauf la fin. Avoir le contrôle de ses corps, c'est être soi-même. C'est que être soi-même, on ne peut jamais arriver à être soi-même étant donné qu'on n'est pas soi-même. Étant donné que l'homme est en contact avec tout l'extérieur du niveau physique, parce que si on vous ôte la nourriture, ben vous allez être vous-même, mais à un moment donné, il y a une parcelle de vous-même qui va finir par s'en aller en transpiration, en urine, etc., en énergie, qui va être métabolisée justement sous forme d'énergie pour continuer à faire en sorte que votre cœur pompe, hein, que votre cerveau réfléchisse, etc. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas être soi-même, parce que continuellement, déjà, on mange d'autres choses, ce qui fait qu'on est continuellement à l'extérieur. Au niveau vital, c'est la même chose. Au niveau astral, c'est la même affaire. On a rien que vous criez des bêtises pour que vous grimpiez sous vos grands chevaux. Donc, quand est-ce que vous êtes vous-même? Au niveau mental, c'est la même affaire. Être soi-même, c'est quoi? C'est être tout notre schéma mémoriel. Mais tout notre schéma mémoriel, c'est être tout le reste de la planète au complet. Alors, ce qui fait qu'être soi-même, c'est pas ça. Avoir le contrôle de ses corps, ce qui veut dire que le corps le plus apte à avoir le contrôle d'une façon logique, intelligente et harmonieuse, qui est le mental, lui devient son seul maître et contrôle le reste. Ça, c'est avoir le contrôle. Maintenant, être soi-même, non, être, oui, mais être soi-même, on ne pourra jamais être soi-même. Pourquoi? Parce que ça ne se peut pas. Ça se peut dans le contexte psychologique astral, d'identification individuelle de l'ego, justement, dans l'homme. Donc, je suis moi parce que je ne suis pas toi. Mais être moi-même, non, Dieu n'est pas lui-même, Dieu est Dieu. Dieu, on parle de Dieu parce qu'on parle, on résume, disons, toutes les formes d'énergie. Mais il est ce qu'il est. Alors, à un moment donné, l'homme devient. L'homme est. Pas soi-même. Parce que si je suis moi-même, c'est que je suis toujours une parcelle d'identification mémorielle de ce que j'aimerais être. Donc, je ne suis pas le reste. Et si je ne suis pas le reste, bien, il y a encore un gros contrôle que je n'ai pas parce que ma mémoire, elle est reliée à l'extérieur. Mon physique est relié à l'extérieur. Si je suis moi, je ne suis pas l'extérieur. Donc, étant donné que je suis l'extérieur, ben, je ne peux pas arriver à être moi-même. Alors, ce qui fait que l'homme n'est que mémoire. C'est vrai. Mais l'homme est plus que de la mémoire, parce que présentement, l'homme est aussi la capacité intelligente d'une façon intellectuelle qu'il a de gérer cette mémoire-là. Alors, ce qui fait que l'homme est mémoire, mais en plus, l'homme est énergie qui peut gérer la mémoire. Ça, c'est le mental. La dernière phase de contact avant le supramental, qui est la connaissance instantanée, donc le savoir instantané, qui est extérieur à la mémoire. Alors, l'homme n'est que mémoire, plus l'homme est aussi la capacité, donc le mental, de gérer cette mémoire-là, ce que l'astral ne fait pas. Et l'intégration parfaite de toutes les mémoires de ses corps formés par son mental, alors ici, le mental est placé à l'extérieur de l'homme. Alors, donc, disons que l'homme n'est que mémoire, oui, si le mental est placé à l'extérieur de l'homme. Sinon, ben, l'homme n'est que mémoire plus mental. Alors, l'intégration parfaite de toutes les mémoires de ses corps formées par son mental, avoir le contrôle parfait de ses corps, c'est l'intégration, effectivement, de toutes ces mémoires-là, mais c'est surtout présentement dans le domaine possible de l'homme. Disons que votre prochaine démarche réelle Hein, spirituellement, ça peut être dur à gober, là, parce que souvent on espère bien des choses. Mais votre prochaine démarche réelle ne sera pas l'intégration des mémoires, mais elle va être le contrôle de ces mémoires-là, contrôle par le mental. Par après, vous aurez la connaissance qu'il faudra pour pouvoir faire le reste que, bon, ben, c'est pas, il n'y a aucun être humain qui va vous amener ça. Ça de vous-même. Bon, en attendant, ben, c'est ça qu'il y a. L'intégration, non. Le contrôle parfait de notre schéma mémoriel, oui. Parce que la mémoire, de temps en temps, il faut la faire taire pour laisser rentrer une autre forme d'énergie qui, elle, ne peut rester dans l'homme que sous forme de mémoire. Mais il y a une mémoire qui est intellectuelle, une mémoire qui est mentale, une mémoire qui est astrale, une mémoire qui est physique, qui garde le corps en forme, selon la forme. Alors, ces mémoires-là, présentement, l'homme en a absolument besoin. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'homme n'a pas un mental suffisamment développé pour pouvoir contrôler ces mémoires-là. Tu parles d'être prêt. Exemple, la personne qui meurt après avoir été renversée par un camion et qui en meurt, qu'arrive-t-il si c'est d'un enfant dont il s'agit à trois ou deux ans? Mis à part une leçon pour une vie antérieure et ou une épreuve pour les parents. Quel est le fait ici de ne pas être prêt et l'utilité d'être venu d'un corps matériel si le résultat est si minime? Bon, premièrement, c'est qu'on a toujours la même idée que la réincarnation, c'est une réincarnation individuelle d'un individu. J'en parle pas trop ici parce que simplement, référez-vous à la cassette La réincarnation. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. On a passé une heure et demie à en parler. Alors, je ne recommencerai pas ici. Ce serait une perte d'énergie et de temps. Par contre, ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'être qui se réincarne d'une façon pluralitaire. Alors, ce n'est pas un individu en particulier qui se réincarne dans un corps physique, c'est l'agglomération de tous les phénomènes psychologiques, entre autres, vital et mental, qui sont identiquement de même onde d'énergie, qui se réincarne dans un individu. Alors, c'est pourquoi que, par exemple, on en a déjà parlé, à un moment donné, il y a des enfants qui naissent, puis il y a 8-9 enfants qui jouent aussi bien que Mozart. Bien, chacun est effectivement la réincarnation de Mozart. Pourquoi? Parce que Mozart ne se réincarne pas dans un individu, sa mémoire est lui-même est mélangée avec d'autres agglomérations de vibrations similaires, et ça se réincarne dans 10 individus. Alors, la première fusion à faire, qui doit être faite chez l'homme pour son équilibre, c'est une fusion psychologique, donc une fusion astrale, la fusion des personnalités réincarnatives. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un être qui vient au monde dans un corps physique et qui meurt à l'âge de 2 ans, ça peut être une leçon pour les parents, on exclut parfait. Ça peut être un paiement de dette karmique, ce qui arrive à peu près jamais. On exclut quand même. Ça peut être aussi une leçon pour le chauffeur du camion. Ah, ça, j'ai pas pensé. Disons qu'on exclut ça pareil, ça change rien à rien pareil. Le chauffeur n'était pas prêt, les parents n'étaient pas prêts, l'enfant n'était pas prêt, il arrive quelque chose, il meurt. Ça change quoi, ça? Les nuages continuent à se promener, les arbres continuent à pousser, puis 2 ans après, vous avez oublié. Bon, c'est réellement la preuve que c'est pas la mortalité d'un individu qui prime ou qui dérange l'évolution planétaire. Ça, la planète s'en fout. La planète a fait pousser des bouleaux dans une forêt. Par après, elle fait pousser des conifères qui vont tuer les bouleaux. Puis après, c'est pas grave, ça. La forêt, la terre, elle génère les deux arbres qui vont s'entretuer. Vous, par exemple, vous avez, on parle toujours de l'homme. Mais on regarde jamais le schéma, on voit tout l'événement par rapport à notre contexte psychologique qu'on a toujours l'idée qu'il doit avoir une raison à tout. Bon. Mais quand un lièvre, une mère lièvre, une va mettre par exemple bas des petits lièvres, puis que le renard passe par là puis qu'il bouffe la moitié de sa portée, bon, on se pose pas de questions, on parle d'équilibre naturel. On trouve ça logique, intelligent, merveilleux. Mais la mère lièvre, elle se demande réellement qu'est-ce qu'ils sont venus foutre là, ces petits lièvres-là, pour, au bout de 2 semaines, se faire bouffer par un renard. Les nourrir. Ouais, puis le renard, quand il va mourir, bien, mes lièvres vont avoir servi à nourrir un gars, un renard qui est mort. Bref, ils n'auront servi à rien pareil. Il y a déjà un enfant, moi, dans un camp scout, qui me demandait à quoi servaient justement les animaux nuisibles. Pourquoi c'est là? Bien, c'est nuisible, pourquoi c'est là? Parce que tu penses qu'il faudrait que tout soit là pour l'homme. Parce que toute l'identification de l'événement est faite par rapport à l'homme. Dire une fourmi, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça serait utile si j'en mangerais. Ça serait utile si ça viendrait me monter mes souliers, ben non, m'apporter mon journal. Mais ça sert à rien. Alors pourquoi qu'il y a des fourmis sur la planète Terre? Alors c'est la même chose. L'enfant qui meurt, On s'imagine, nous autres, qu'il y a une raison, il y a un corps, ça a une valeur pour nous, parce que psychologiquement parlant, n'étant pas suffisamment développé mentalement antérieurement, en termes d'évolution planétaire, bien évidemment, il fallait absolument qu'on ait un besoin de préserver la vie, parce qu'à l'époque, on tuait tout le monde pour rien. Alors, on serait même plus ici pour en parler, la race serait éteinte. Mais, à un moment donné, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on a toujours la même idée, le même concept que l'individu est une chose importante. L'individu devient important quand l'individu arrive à percer à travers l'humanité, donc quand l'individu arrive à être un réel homme ou une réelle femme, et là, il devient important pour l'évolution planétaire. Là, il commence à être protégé. Là, il rencontre des énergies différentes. Là, il devient différent. Mais l'individu qui naît comme ça, le petit enfant de 3 ans qui est mort, il n'y a rien qui vous dit qu'il n'aura pas été débile mental à l'âge de 4 ans, mais il n'y a rien qui vous dit rien. Mais une autre chose avec, il n'y a rien qui vous dit qu'il n'aura pas été Adolf Hitler. Alors là, on aura tout compris. Ah, c'est les grands maîtres qui l'ont tué. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on fait juste regarder un événement comme ça, un pauvre petit enfant pur et simple qui n'a rien fait, qui est ta-ta-ta-ta-ta-ta, et puis paf. Bon, on voit ça à partir de notre point de vue psychologique. Alors, On a aussi l'instinct de conservation en nous. C'est le phénomène astral qui a été amené à l'homme parce que l'homme massacrait tout le monde. Alors, qu'arrive-t-il si c'est un enfant dont il s'agit de 3 ou 2 ans? Mis à part la leçon pour ses vies antérieures, ça, ce qui est à peu près jamais là, le karma le plus réel pour l'homme, c'est le karma relatif, celui qui s'impose lui-même de par sa psychologie astrale, que quelques autres formes de karma, mais le plus gros, c'est celui-là. Alors, pas d'épreuve pour les parents. Quel est le fait ici de ne pas être prêt et l'utilité d'être venu dans un corps matériel si le résultat est si minime? Résultat minime par rapport à qui? Par rapport à nous qui ne comprenons rien. Ah, mais c'est ça qu'il y a. Il faudrait pas qu'on juge à partir de là. Et être prêt, bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que si moi je suis prêt, je fais des choses. Si moi je ne suis pas prêt, je fais d'autres choses. On va sur un arrêt cardiaque, puis à un moment donné, ben, on commence à faire un massage cardiaque, mais moi je n'étais pas prêt. J'ai pas appris. Ben non, psychologiquement, je ne suis pas prêt parce que c'est un enfant de 2 ans, puis il meurt. Bien, il va mourir, puis c'est tout. Mais c'est moi à l'intérieur de ça qui n'étais pas prêt, pas l'enfant. Pourquoi l'enfant a à mourir? Parce que c'est pas important que l'enfant vive ou que l'enfant meure. C'est important dans notre concept psychologique, mais réellement parlant, on fait des guerres quand même, hein? Les enfants des autres, pas tellement grave. Pourquoi qu'un enfant de 3 ans, c'est dommage que ça meure? Puis quand c'est devenu un adulte arrogant qui vous vole chez vous, vous le descendez à coups de fusil. Pourquoi? Parce que c'est rien votre contexte psychologique. Un enfant qui rentre dans, un enfant de 5 ans qui rentre chez un dépanneur faire un vol, le dépanneur, il ne reçoit pas à coup de 12. Mais quand c'est un adulte, oui. Bon, mais c'est quoi la différence? La différence est juste psychologique. Il n'y a aucune différence dans la réalité. Mais il y a une différence dans notre contexte. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, à un moment donné, on massacrait tout le monde. Pour empêcher ces massacres-là, bien, il y a une intelligence, une forme d'énergie qui est venue imposer à l'homme justement ce qu'on appelle le cadre des formes. Et ça a donné simplement que par rapport à une certaine onde de forme émise, bien, l'homme astral va réagir d'une certaine façon de protection. Alors, si vous regardez, par exemple, tous les animaux quand ils sont petits, les chiens, les chats, les oiseaux, les bébés, bien, ils ont tout un crâne rond, un forme rond. Ils ont toute une forme qui amène l'homme à avoir de la pitié et qui amène l'homme à vouloir les protéger. Et c'est la même chose pour les animaux. Mais à l'instant même où ce que l'animal, l'entité animale ou homme vieillit, bien, sa forme de visage change. Et vous, là, vous n'avez plus le même feeling de le protéger. Autant pour un chien qui était si le fun quand il était petit, qui était un petit chiot, puis que là, c'est rendu un gros Doberman, bien, moi, franchement, il n'attire plus le même enthousiasme du voisinage qu'il attirait avant. Alors, c'est la même chose pour un enfant. Quand il devient un adulte, bien, ça, on peut le tuer. Mais quel est le... Il n'y a pas plus d'utilité. Il y en a qui vivent 150 ans puis qui ont moins appris qu'un enfant qui est intelligent qui va vivre 3 ans. Hein? Alors, c'est juste de par rapport à nos contextes, à nos concepts, et parce que nous, on voit tout à partir de notre propre individualité et de nos propres réactions, justement, d'apprentissage mémoriel. Que voulait dire le Nazaréen quand il disait qu'on se rejoint tous à quelque part? Bien, c'est sans doute parce qu'à un moment donné, on se frappe sur les coins de rue. Un être descendant sur la Terre a-t-il, par exemple, à développer son corps astral? Le pourra-t-il qu'en vie... Et j'écris mal, moi je peux lire. D'accord. Bon. En tout cas, c'est signé Lucille. Alors, un être descendant sur la Terre a-t-il, par exemple, à développer son corps astral? Le pourra-t-il qu'en vie de réincarnation seulement, j'imagine? Qu'en une vie? Ah, d'accord. Le pourra-t-il en une vie? Bon. Alors, vois-tu, ça dépend simplement de quel soleil vient l'énergie de l'individu qui va vouloir s'incarner sur la planète Terre. Si lui, ce qui lui manque, c'est un astral, bien évidemment, il va paraître drôlement plus... moins humain que la majorité des autres humains sur la planète Terre, parce qu'astralement parlant, il n'est presque pas. Par contre, il va souffrir du fait qu'il n'y a pas d'astral, c'est drôle à dire, on souffre dans notre psychologie, mais à un moment donné, le mental aussi peut souffrir. Souffrance qui est pas mal plus terrible que la souffrance psychologique, parce qu'elle est réelle. La souffrance psychologique est illusion. Alors, ce qui va arriver, oui, il peut dans une vie, mais à la condition, évidemment, qu'il se démène pour le faire. Et que le contexte social le permet. Ce qui fait qu'un individu qui, par exemple, vient d'un système solaire où l'astralité n'est pas très développée, ne viendra pas sur la Terre il y a 3000 ans. Parce qu'il n'arrivera jamais à se développer un astral comme du monde. Il va falloir que l'astral planétaire soit amplement gonflé, prêt à éclater pour que lui vienne ici, pour que ce soit utile pour lui et pour que ce soit utile pour les autres. Ce qu'on appelle un échange d'énergie. Alors, paradoxe, l'être ascendant doit transformer son astral et l'être descendant doit le rattraper. Bon. Ben oui, c'est ça qu'il y a. C'est simplement que nous autres, dans les formes de monde où on vit, il y a des contextes planétaires, planétaires terrestres, planétaires ailleurs, qui permettent plus facilement la formation d'un certain plan physique, vital, astral, mental, supramental, etc., que sur d'autres formes de planètes. Alors, ce qui fait que tous ces êtres-là sont ascendants, mais par rapport à nous qui recherchons un plan mental évolué, un être qui a le mental évolué, qui vient sur la Terre, ben c'est un être descendant. Mais par rapport à lui-même, il continue toujours à être ascendant. Alors, ce qui fait que c'est pas un paradoxe, c'est une chose totalement normale, paradoxe si on le voit par rapport à nous. Mais l'être qui descend ici, il descend pour monter, donc il ne descend pas, il monte. Et nous aussi, on monte. Et ces êtres-là viennent ici pour chercher l'énergie astral. De l'astral, l'énergie que l'astral a formée en devenant ce qu'elle est, l'astral planétaire. Ils servent de cette énergie-là comment et pourquoi? Comment? Ben voilà, pour pouvoir canaliser cette énergie-là. Ils vont s'en servir pour pouvoir avoir un corps qui va être capable de faire une liaison véritable entre le vital et leur mental. Donc, ils vont pouvoir avoir le schéma vibratoire suffisant pour atteindre la fusion. Et comment ils vont pouvoir faire pour pouvoir servir de l'astral planétaire? C'est simple. Ils ne peuvent pas être assimilés à l'astral planétaire. Ils le sont un peu de par leur naissance,